11 ans passés. Nous sommes au mois d'octobre. Et c'était posté à 22h11. Le titre dit ceci: la Russie et la Chine se préparent à une troisième guerre mondiale contre les États-Unis et l'OTAN. Des communistes, bien sûr. Pour faire la guerre contre les États-Unis et les forces de l'OTAN. Je lis cet article. Le président de la Fédération de Russie, Dmitri Anatolievitch Medvedev. Comment est Dmitri? Medvedev. Medvedev. A indiqué il y a quelques jours à ses généraux qu'il fallait se préparer à l'Armageddon. Alors, Baki, moi, je connais aussi les cas, la Bakonjinaï, la Basoda. Et c'est vrai que nous, comme nous disons, nous sommes tous les bien amis à Armageddon. Suivez bien. Voilà, dans ma langue. 2011. Medvedev dit aux généraux réunis qu'il faut se préparer à Armageddon. Quand on dit se préparer pour l'Armageddon, bien que c'est un sujet d'actualité, nous, ça nous rappelle un passage biblique. Dans Apocalypse chapitre 16e, qu'est-ce que la parole biblique avait prévu face à cette réalité contemporaine? Apocalypse chapitre 16, versets 12 à 16. Le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve l'Euphrate et sonna Paris pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Parmi les rois qui viennent de l'Orient, dans la ville de Paris ici, il y a la Chine. C'est le roi même de l'Orient, la plus vieille génération dont le prophète Branham parle, c'est la Chine, la plus vieille civilisation qui est. Et on l'appelle aussi le pays du soleil levant, ici sur l'échiquier international. J'ai vu sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers le roi de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. On peut être basalinde, mais il m'a fait pour ça la cabinembo. Bah, oh, bah, qu'il y a pas une bakonji, n'a mis qu'il n'y en soit, qu'on a gagné sa cabango, pas la tumba, n'a mon colonel, n'a mon zambo, mozi, n'a mon en soit. Voici Jésus comme un voleur, et le celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu, et qu'on ne voie pas sa honte. T'as là, n'a pas la palabouibi. Et c'est mon aïeul, ils les rassemblèrent, donc les démons là, pour rassembler les rois de la terre dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Bah, y'en a ici, bango, il dit, donc, Armageddon est un lieu. Un site prophétique. Mais le roi de la Russie, parlant au général en 2011 déjà, leur disant qu'il faut se préparer à Armageddon. Quand Dieu annonce des grands événements prophétiques, il utilise souvent les humains qui peuvent des fois être des païens, mais pour accomplir ces événements-là. Voilà ce type à la tête de la Russie, le roi du Nord, disant qu'il faut se préparer à Armageddon. Il était donc le premier à mentionner Armageddon, il y a longtemps là, dans notre période ici. Mais laissez-moi vous dire qu'après lui, cette année même, 2022, l'actuel président américain, catholique de son état, il a mentionné aussi Armageddon. Disant que le président russe, Vladimir Poutine, ne plaisantait pas lorsqu'il parle de la possibilité d'utiliser les armes nucléaires. Et il dit, depuis l'époque de la guerre froide, avec les missiles que l'URSS avait postés au Cuba, contre les États-Unis d'Amérique, dirigés sur les territoires américains, ce qui était au centre de la guerre froide. Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais été aussi confrontés à une possibilité d'un Armageddon ou un apocalypse nucléaire que maintenant. Il le reconnaît. Et après que lui l'ait reconnu, la semaine écoulée, le président russe actuel, cette semaine même, qui vient de s'achever, il a nommé un nouveau commandant des troupes là en Ukraine, le numéro 1 de l'armée qui affronte l'Ukraine. Et c'est un général impitoyable, connu comme ça. Un homme excessivement méchant. L'Amérique avait utilisé en Syrie. Non, que la Russie avait utilisé en Syrie. Lors du conflit là-bas avec Bachar Assad. En 2017. Et c'est lui le terroriste, un terminator qui a infligé la honte aux Américains. Et depuis ce temps-là, on l'avait surnommé général Armageddon. Et c'est cet homme-là que Vladimir Poutine venait de nommer cette semaine à la tête des troupes en Ukraine. Et les Américains sont informés que Vladimir Poutine ne s'amuse pas. C'est ainsi qu'ils anticipent déjà. Ils veulent que la Russie soit attaquée sur son territoire. Chers amis, ça vient de commencer. Une station russe a pris fait cette semaine par une attaque ciblée venant de l'Ukraine. Nous allons tout droit vers une confrontation directe entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Tout droit. Je suppose même que c'est irréversible. Mes chers amis, je ne parle pas de ça juste comme l'actualité, mais c'est parce que nous sommes des croyants de la prophétie et que nous savons que avant que Israël ne soit attaqué dans cette guerre d'Armageddon dont la Bible parle, qui sera la phase finale, la vraie guerre biblique d'Armageddon, il faut que les États-Unis d'Amérique soient déclassés du jeu militaire. Et qui le fera? C'est la Russie. Et Le prophète Branham a dit que la bataille d'Armageddon sera livrée aux portes de Jérusalem. Pas aux portes de l'Ukraine, pas aux portes du Pentagone, mais aux portes de Jérusalem. C'est là le final. Na bongo musakoliyam Branham a dit bitumba oyo ya Armageddon et kofunda mapenza na ekuke ekukete ya le suka ya bapenza bitumba oyo ya Etats-Unis na plan patofon to na Ukraine et kosalanga na ekuke penza ya Yerusalem. Ce sera pour le contrôle de Jérusalem. Na le pasala te ba lupa ba sera pour le contrôle. Et par Zacharie a fait dire et pour le sapon de Jérusalem une pierre précieuse pour toute la nation. Amen. Wende na mwasa kule Zakaria, alabaki ato, na pokoni nisa yiselele, ni banga ya mwakuto, pata mwakuto mwakuto. Pekwa kifutila rasume, sera ekrasi ya parel. Mwapa na mwakuto mwakuto, ato mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto, mwakuto mwakuto. Chers amis, réveillons-nous. Avant qu'on atteigne Jérusalem, l'Église sera déjà enlevée. Mais le commencement de ce cycle, nous le voyons de nos yeux. Le décor est clairement frappé. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. On ne voit pas encore dans les détails. Laissez-moi avancer encore avec le titre d'actualité de 2011. Medvedev, le roi de Russie, à l'époque là, il a dit aux généraux qu'il faut se préparer à l'Armageddon. Alors le détail du titre c'est ceci. Un membre du FSB ou du service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, il a retranscrit, oh non, il a, des services secrets de la Russie, il a récemment parlé à un journaliste d'investigation. Français, d'une opération géopolitique planifiée sans précédent. Laquelle serait supervisée par le premier ministre russe Vladimir Poutine. À cette époque-là, Medvedev était le président et Poutine était le premier ministre. Il s'alternait comme ça pendant un temps, vous savez. Actuellement, Medvedev en question, il est le numéro un, le chef de la sécurité russe. Tandis que Poutine, il est le président, le chef de l'État russe. Alors, il dit son premier ministre là, Poutine, lequel souhaite fonder l'Union Eurasienne, dont le Kazakhstan et la Biélorussie, mais également l'Ukraine et la Bulgarie feraient partie. On dirait qu'il a écrit un livre un peu gros comme ça, très volumineux, intitulé Poutine et l'Eurasie. L'Eurasie, c'est-à-dire une conception d'un continent créé par son imaginaire et son pouvoir, comprenant une partie de l'Asie et une partie de l'Europe. Pendant que toi tu te demandes encore qu'est-ce que nous mangerons demain, lui veut créer l'Eurasie. Déjà, le pays là, la Russie, est le plus grand pays au monde en termes de dimension territoriale. 75% se situe en Asie et 25% de la Russie située en Europe. Maintenant, pour faire l'expansion de son territoire direct d'abord, il veut annexer la Biélorussie, le Kazakhstan et l'Ukraine. Ça ne commence pas aujourd'hui, c'était planifié depuis. Que ce soit des pays sous la domination du KBG. Du Kremlin. Donc, il voulait fonder l'Union Eurasienne dans le Kazakhstan et la Biélorussie, mais également l'Ukraine et la Bulgarie. Le gouvernement russe est tout simplement ancré dans une volonté de récupérer sous d'autres formes son empire perdu. L'empire URSS perdu. La bombe de Ponzi, oh, il y a Russie, et ça n'est pas le même quoi, qu'on fait des bazons, il s'en conduit, mais bon, ça qui, alors, car la bazarque URSS. Il bite pendant sur la Turquie et sur la Mongolie. Alors, la Turquie, que les Américains se dépêchent de faire entrer dans l'Union Européenne. Et pour les Américains, l'Union Européenne, ils veulent quoi? Ils souhaitent à terme fusionner avec une Union Nord-Américaine. Et la Mongolie, car la Chine ne veut pas cautionner cette fusion, puisque ce pays riche en matières premières qu'elle voudrait bien aussi s'accaparer, pose ainsi des difficultés aux deux puissances, aux deux gouvernements frontaliers, qui n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur le partage des ressources et des captifs mongols. La bonne Chine peut aligner côté la Mongolie, le quoi la Mongolie peut baser la Ghana, ma banga ya talo na sena ma bélé na bango, le quoi la baser la Ghana, ma tibi balé na katu arabu kola na mi balé balinga na teko yokana, na bonne de Chine aligner te atike na bango. Alors, les négociations portant sur le problème mongol s'enchaînent et se ressemblent, mais une résolution qui mettra un terme à des décennies de lutte semble encore loin d'être à la portée. Alors, en outre, les états-majors russes et chinois se sont coordonnés sur le plan commun. La bongo boyokani ya ba konzi ya mampinga ya ba riba chinois na baris boyokani na les. Ils ont décidé conjointement de mettre leurs armées respectives en état d'alerte maximale. Boyokani bango mokote mampinga na bango parce que bango bazala na bokeli nyoso. En raison d'une prévision d'une attaque terrestre massive que le FSB croit être planifiée par les Américains et les forces de l'OTAN à la fois au Moyen-Orient et en Asie centrale. Alors, peut-être, ma maman, les États-Unis, là, autant, bah, j'allais dire, que bon, dis, ça, qu'est-ce que, ma pinga, bah, quand, ma belle, autant, que bon, dis, ça, bango, ton, Moyen-Orient, ton, Asie. Alors qu'une formidable bataille géopolitique économique s'engage, à peine, entre l'Union Eurasienne, dirigée par Moscou, je connais tout le monde qui a pensé à Makita, à Bukulaka. Ils allaient dire que Bandaka, quand il a rasé, à Oyo, Bazal, Kokambana, Moscou. Et l'Union Européenne, dirigée par Washington, l'Union Européenne, mais le États-Unis d'abord qu'au Cap. Pour savoir qui récupérera la Turquie. On a quoi mettre Turquie à côté de Nangamboudi. Dans le marché, les ressources et la géographie en font un bien précieux. Côté qui s'en a bandé, il y a un peu de soca. Et ça a peine à mouti à côté. Économiquement et stratégiquement. Et la troisième guerre mondiale serait déjà en cours. Nous sommes en 2011. Et son arrivée inattendue aurait été précipitée par la crise économique et le surlendemain des États-Unis. Na bongo bitumba yango ya na lombango pona kozangisa mapenza na makita mpe na oyo États-Unis avec ko sala. La guerre, la crise économique de 2008, vous savez, avec Barack Obama qui est venu là-bas, et débrouillé pour relever l'Amérique. Et Barack Obama qui peut être tombé aux États-Unis de Kola. Le calendrier du Pentagone aurait été avancé pour anticiper la chute de l'euro et du dollar. Et Nicolas le Pentagone, ça l'est là qui peut être euro et dollar et kitaka, bah c'est l'idée que ça. La Russie et la Chine. Russie, veulent certainement profiter du marasme économique mondial pour prendre la relève et arbitrer à eux seuls le monde. Et cela sur tous les plans. Alors, Poutine disait quoi à l'époque? Il faut saisir l'opportunité tant que la bête, c'est-à-dire les États-Unis, est à terre. C'est ce qu'il a déclaré au président chinois. Savez-vous qu'à la suite de cette crise mondiale, partie des États-Unis, la crise économique dont on avait parlé aussi quand même, vous vous rappelez, dans les années 2008 jusqu'à 2011-2012, la Chine devint la première puissance économique mondiale. Dans les années 2013-2014, et c'est depuis cette année 2014 que la Russie préparait davantage l'attaque contre l'Ukraine. Et nous sommes en 2022, la fameuse guerre est maintenant en cours. Et je vous ai cité quelques phénomènes qui se sont déroulés rien que cette année. Jusqu'à la nomination du général Armageddon. Mais vous et moi, croyez de la prophétie, vous entendez ce mot dans les médias, dans la qualité. Vous savez que la vraie bataille d'Armageddon sera livrée au port de Jérusalem. Mais pour qu'elle puisse bien se dérouler là-bas, il faut que le territoire américain, selon la septième vision prophétique donnée par Dieu à William Branham en 1933, il faut que le territoire américain soit réduit en cendres. Et quand est-ce que la septième vision s'accomplira? Avant l'enlèvement de l'Église. Les sept visions du temps de la fin doivent s'accomplir avant la venue du Seigneur. Tous les sept. Dans les sept visions, vous savez que la sixième, c'était celle qui concernait une femme qui prendrait le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Est-ce déjà accompli? Ah. Avons-nous une vice-présidente? Amen. Était-elle habillée en violet? Est-elle au pouvoir maintenant? D'après la prophétie, quand cela devait s'accomplir, elle conduirait le monde à la ruine. Et la pollution se répandra partout. Nous y sommes, vous le voyez. Dans une considération, cette femme la puissante pouvait être l'Église catholique. Qui prendrait le pouvoir en Amérique? Quels amis? L'actuel président qui est là-bas. N'est-il pas catholique? Vous y êtes. Vous allez. Joseph Biden est catholique. Joseph Biden. C'est même qui avait amené le pape aux États-Unis d'Amérique et il avait déclaré à l'époque que c'est l'homme le plus populaire de la planète Terre. Il est catholique comme John Kennedy. Et c'est lui qui vous dit ce que je venais de mentionner en passant ici. Au sujet de la guerre en Ukraine. Depuis 1962, à l'époque de Kennedy. Nous n'avions jamais été confrontés à la possibilité d'une catastrophe nucléaire, d'un armageddon nucléaire, comme maintenant. Dans la prédication, il dit qu'un petit pays de la taille du Kiba peut détruire le monde entier. Le Banam a dit ça au mois de juillet 1961. Donc, vous me considérez ça comme un fanatique qui parle à ces fanatiques. Mais qui pouvait le croire? Laisse-moi après qu'il ait dit ça. Lui, est-ce que c'est l'époque a amené des missiles nucléaires sur le territoire du Kiba. Il a implanté là-bas. Voilà l'article avec moi ici. Et quand Kennedy est allé à la tribune parler, il a mentionné et dénoncé la chose devant l'ONU. C'était le début de la guerre froide. En fait, c'était l'Amérique contre l'URSS, mais au travers du Kiba. Aujourd'hui, c'est la Russie contre l'Amérique au travers de l'Ukraine. L'histoire qui se répète. Le catholicisme au sommet. Voilà. Une femme vice-présidente. Voilà. Monsieur, que le veut-il? Qu'est-ce qui reste encore? L'enlèvement peut se produire à tout instant. Tout ça a lieu en 2000. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveillez-vous du sommeil. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ne soyez pas troublés par ça. Profitez pour vous réfléchir. Profitons, chers amis, il est temps de se réveiller. Je me relis ce qui s'est passé là-bas. Qu'est-ce là-bas? À l'époque du Kiba. Oh, mais je l'ai dit brièvement, ça peut vous aider. Hein? Mais si vous avez besoin des détails, on peut les donner ici. Alors, je prends ici dans le TF1 Info, le journal français TF1, 17 octobre 2022. Le président américain prend au sérieux les menaces nucléaires de Vladimir Poutine. Selon lui, le risque n'a jamais été aussi grand depuis 1962 et la crise des missiles à Cuba. Et ce serait un temps grave que Joe Biden, présent jeudi 6 octobre à une collecte de fonds à New York, a évoqué le conflit ukrainien et les récentes prises de parole de Vladimir Poutine. Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'un Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba. A averti le président américain. Alors que son homologue russe a multiplié les menaces ces dernières semaines, allant jusqu'à évoquer la bombe nucléaire dans les discours télévisés le 21 septembre. Et selon le New York Times, il est assez inhabituel qu'un locataire de la Maison Blanche fasse ouvertement référence à Kiba. Et ses prédécesseurs ayant rarement évoqué l'éventualité d'un usage d'armes nucléaires. En 1962, au paroxysme des tensions entre les deux blocs, les missiles politiques avaient été placés à Cuba, pointés vers les États-Unis. Ils avaient été finalement retirés contre le retrait de certains missiles nucléaires américains de Turquie et d'Italie. Car Joe Biden est loin de minimiser la portée des menaces russes proférées contre l'Occident. Et d'après lui, Vladimir Poutine ne plaisante pas quand il parle d'un usage potentiel d'armes nucléaires, tactiques et d'armes biologiques ou chimiques. Car son armée, on pourrait le dire, est très peu performante. Oh, miséricorde. Il a pris la menace au sérieux. Et le 13 octobre, chiffre 13. Le jeudi ici, le ministre des Défenses des pays membres de l'OTAN était en réunion en Allemagne. Il y a trois jours. Ne dormez pas, voyez-vous. L'enlèvement va venir comme ça, vous continuez à dire, mais c'est quoi ton problème? Le ministre des Défenses des pays membres de l'OTAN était en réunion en Allemagne. Leur conclusion était claire. Ont-ils dit, si la Russie utilise l'arme nucléaire, nous allons anéantir les armées russes. Ils viennent de le dire il y a trois jours. Si la Russie ose, nous allons anéantir, neutraliser les armées russes. Mes chers amis, moi, mon cœur tremble quand je vois ces choses. Comment Dieu faille au grain à l'accomplissement de la parole. Et comment certains sont distraits, ils n'arrivent pas à saisir. Ils veulent anéantir les armées russes. Est-ce que la Russie va se laisser faire? Mais dans la revanche de la Russie, que va-t-il se passer? Dans le même temps, Donald Trump, l'ancien président, est sorti de sa campagne. Il a attaqué encore Biden. Il dit, nous avons cette guerre maintenant à cause des dirigeants stupides qui ne comprennent rien. Trump, il dit, si moi, de mon époque, il ne pouvait pas y avoir une guerre. En fait, il prépare sa réélection. Il veut se représenter en 2024 lors des prochaines élections aux États-Unis d'Amérique. Alors, il commence à attaquer ces questions-là. Et dans l'opinion, il gagne des points. Parce qu'en fait, ceux qui sont prisonniers, ces gens qui sont au pouvoir, ils ont presque contraint Vladimir Poutine, un homme très prudent, très habité. Il ne se défendait pas. Il pense Vladimir Poutine comme étant un dirigeant très éclairé, très intelligent, très stratège. Mais ceux qui dirigent son pays, il est très idiot. Pendant mon mandat, j'ai collaboré très bien avec Poutine et avec Zelensky. Ce sont des gens bien. Or, Zelensky, c'est un chiffre, vous savez, des sources. Zelensky, vous vous rappelez? Et donc, si l'Amérique est en train de soutenir Zelensky, c'est en quelque sorte son soutien habituel pour Israël. Alors ce qui se passe là-bas en Ukraine va aboutir inévitablement à la bataille d'Armageddon au port de Jérusalem. Il y a-t-il des règles pour voir? Réveille-toi toi qui dors. Ce message est tellement précieux. Quand vous en saisissez la vision, alors vous verrez les choses autrement. Lisons qu'est-ce que Kennedy avait dit à son époque. En 1962, 17 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, là, j'ai le puise du journal. Oh là là, c'est quoi le journal ici? Qu'est-ce que je veux dire? Libération, bien sûr, Libération. Journal français Libération. 17 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et l'occupation de la moitié de l'Europe par l'armée rouge. Et un an après la construction du mur de Berlin, la guerre froide est en passe de virer à l'affrontement nucléaire. Alors, Kennedy semble le Kremlin de reculer. Il demande, Kremlin sera la capitale de la Russie. Il avait dit ceci, Kennedy président catholique. Président catholique de notre époque à nous. Kennedy président des États-Unis, Nous voyons en eux le même personnage. C'est le catholicisme indexé dans la prophétie. Au sommet du pouvoir américain. Il avait dit ceci, les années 30 nous ont enseigné une leçon claire. Les menées agressives, si on leur permet de s'intensifier, sans contrôle, et sans contestation, mène finalement à la guerre. Nous ne risquerons pas prématurément ou sans nécessité le coup d'une guerre nucléaire mondiale. Dans laquelle même le fruit de la victoire n'aurait dans notre bouche qu'un goût de cendre, mais nous ne nous déroberons pas devant ce risque. Donc, Kennedy s'est dit prêt à réagir. Quand même si le goût de la victoire aura dans notre bouche un goût amer. Mais nous n'allons pas nous dérober. Et il demande aux Russes de reculer. Les négociations ont eu lieu. Et à la fin, l'Amérique a retiré ses armements qu'il avait préposés en Turquie. Et l'URSS aussi a récupéré de ses missiles. Le genre de recette que Donald Trump propose maintenant, il dit qu'il faut en appeler au dialogue immédiat pour arrêter cette guerre inutile. Mais met le monde entier en danger. Ouais, d'une fin honteuse. Mais est-ce qu'il sera écouté? Pendant ce temps, la Russie vient d'être attaquée dans son fief. Par les Américains, camouflés en Ukraine. Nous allons droit vers ça. Chers amis, je me vais vous dire quelque chose que notre frère Val Frank avait écrit autrefois. En accord avec le plan prophétique pour cette bataille d'Armageddon. Dans sa brochure intitulée l'Antéchrist. À la page 19, nous lisons ceci. Nous devons considérer la Russie comme étant l'exécuteur du jugement de Dieu. Les symboles du marteau et de la faucille sont vraiment les mieux choisis. Trois attaques seront lancées. Trois attaques. Les deux dernières peuvent être situées bibliquement. Mais la première, vous n'allez pas chercher un verset biblique, mais c'est le « Ainsi dit le Seigneur », la septième vision du prophète William Branham. Contre le Vatican. Et la troisième contre Israël. Du point de vue de la stratégie militaire. La première attaque contre les États-Unis d'Amérique sera nécessaire. C'est-à-dire que les États-Unis se tiennent aux côtés d'Israël. Et doivent, à cause de cela, être mis hors de combat. Pour un moment, afin qu'il ne puisse pas intervenir lorsque les puissances adverses tomberont sur Israël. La Russie se joindra à tous les peuples arabes. Et sera leur meneur pour conduire une attaque contre Israël. Pour les lecteurs de la Bible, cet événement est connu comme la grande bataille d'Armageddon. Et il est fait citation de la Bible, Ézéchiel chapitre 38, verset 5 à 9. Où il est dit, et avec eux la Perse, qui est l'Iran, Kush, qui est l'Éthiopie, Épout, qui est la Libye, ayant tous des boucliers et des casques, Gomer et toutes ses bandes, la maison de Togarma, du fond du nord, et toutes ses bandes, beaucoup de peuples avec toi, donc le roi du nord, la Russie. Prépare-toi et tiens-toi prêt, toi et tout ton rassemblement qui est assemblé auprès de toi, et sois leur chef. Après beaucoup de jours, tu seras visité. À la fin des années, tu viendras dans le pays délivré de la paix. Et rassembler dans beaucoup de peuples sur les montagnes d'Israël qui ont été une désolation perpétuelle, vers ceux qui sont sortis d'entre le peuple et qui habitent tous en sécurité. Et tu monteras, tu viendras comme une tempête, et tu seras comme une nuée pour couvrir le pays. Toi et toutes tes bandes. Et beaucoup de peuples avec toi. C'est l'écriture d'Ézéchiel 38, le verset 5 à 9. Le commentaire qui s'assied celui-ci. Cependant, c'est là-bas que Dieu interviendra. Et par une seule attaque, il préparera leur fin à eux tous. Et Dieu a dit dans Ézéchiel chapitre 38, toujours verset 22-23, et j'entrerai en jugement avec lui par la peste et par le sang. Et Dieu entrera en jugement avec le roi du nord, avec la Russie. au sujet d'Israël. Ce sera après l'enlèvement de l'Église. Et je ferai plus voir plus potentiel. Et de pierre et de grêle. Du feu et du soufre. Sur lui et sur ses bandes. Et sur le peuple nombreux qui sera avec lui. Et je me glorifierai. Et je me sanctifierai. Et je serai connu aux yeux de beaucoup de nations. Et elles sauront que je suis l'Éternel. Amen, amen, amen. Dieu a dit Israël, comme Israël, comme Israël. Que les aigles qui sont ici disent amen à la vérité. De vos yeux d'aigle, voyez loin. Nous avons un Dieu invincible. Il annonce la fin avant le commencement. Ces choses sont là devant nous. Mais Dieu combattra les justes causes. Il soutiendra les justes causes. Je vais prendre pour terminer ce matin le baptême du Saint-Esprit. Pour ce passer de nom. Le baptême du Saint-Esprit. Prêché le 28 septembre 1958. Paragraphe 36 et 37. Et les gens aujourd'hui, les adolescents dans le collège, avec leur beuverie, vivant, etc. Et les petites filles vivant en adultère. Les petits garçons et les choses semblables. Quelle sorte de génération prendra qu'est-ce qui a rendu ainsi ce petit-fille? Leur maman était une jeune femme délirée. Et leur grand-maman, leur grand-mère en était aussi une. Le délire qui s'est transmis de génération en génération. Coco qui laou, maman qui laou, moi na. Aïe. Génération perdue. Et il a dit qu'il punira l'iniquité des parents sur les enfants. Et les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Que pouvons-nous attendre de plus? Avec une telle génération qui nous vient d'une grand-mère délirée, d'une mère délirée, les enfants eux-mêmes ne pouvaient plus de rôle dans leur comportement. Et quand les tout commencent à faire naufrage, et quand la semence est juste à côté, ça m'ennuie de plus en plus. Et que les méchants continuent de mieux en mieux. Très religieux. En contentant de devenir méchant. De plus en plus méchant. Il ne reste plus rien à faire qu'à détruire l'ensemble comme il l'a fait à la destruction du monde avant le déluge. N'éteignons-nous pas la parole prophétique? Amen. Maintenant, qui d'entre vous, pendant que nous parlons de la parole prophétique ici, qui d'entre vous tient ça pour d'autant plus certain? Regardez l'attitude de certains. Ils s'ennuient. Ils ont des sermons, parole prophétique, c'est comme si c'est sans importance. On est dans les fédéries, C'est ici le grand intérêt des aigles de Dieu. Ah, non. Ça nourrissait de Pentecôte, froid. Vous allez pas le diable envoyé à tous vous des choses. D'autant plus certaine. Aussi, ça nous distingue des dénominationnels. C'est ici que ceux qui sont des comportements dénominationnels, leurs ailes se désintègrent. On est la parole de l'heure maintenant. C'est ce qui a pris le plus. n'est pas soudain secret. Pas pour les choses du monde. Mais pour les pas soudain secret aussi. Pas n'importe quel monde. Poisson peine secret. Gloire soit rendue à Dieu. Quand vous voyez tout cet état des choses, donc c'est une génération mûre pour la destruction, comme à l'époque de Noé. Chaque pensée des hommes est continuellement remplie de péché. Et continuellement. La génération que nous environ chaque pensée continuellement remplie de péchés. Nous devons nous opposer à toutes les pensées des hommes. Et la première génie, il commence. Hé, attention, il ne vient pas te coller le péché. Oh, un soi-disant courrier de message. Pendant cela, attention, les pensées des hommes sont continuellement remplies de péché. Nous veillons à la vérité, frère. Nous devons être contaminés, souillés par des propos malsains qui soient dénoués de vérité. Nous voulons la sainteté de l'Église. Et tu l'as pour des amis. Nous devons revêtir la pensée de Christ. Nous devons nous enseigner la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps des opinions des gens. Lui pense que Ils ne peuvent pas rester fidèles à leur femme. Les garçons ne peuvent pas rester fidèles aux filles. Les filles ne peuvent pas rester fidèles aux garçons. Eh bien, ils sont arrivés à un point où le démon les tient tellement liés et possédés de mauvais esprits. Et que l'époux est devenu une conglomération de péchés. Non seulement vous verrez sans attendre la machine. Les gens sont liés par les démons. Par des esprits mauvais. Des actes d'infidélité. L'adultère, la pornographie, le mensonge, la fraude, la tricherie, l'orgueil et la vanterie, l'hypocrisie, les démons. Et tout n'est devenu qu'un conglomérat de péchés. Nous sommes promis par la vie, tant qu'on peut être sans la salle. Prêt pour la destruction. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans un tel jour. Et c'est pourquoi la Russie, suivez, sert parfaitement d'instrument dans les mains de Dieu. Pour balayer tout cela maintenant. Je mets un article, quand bien aimé, que Dieu le bénisse, m'envoyez là. Une déclaration du président russe Vladimir Poutine. L'Occident n'a plus de morale. ils encouragent même le mariage homosexuel. Il dit, tout cela n'est pas valable pour nous. Alors nous sommes là, nous allons pour la vie. Amen. Le roi du Nord. Et il dit que ces choses-là sont contre le christianisme. Et ce qui est contre le christianisme est satanique. Alors nous allons dire ça. Vladimir Poutine est devenu sorbo. Et c'est nous seuls, et ça dit peut-être que la bâtisse, lui, il a fabriqué l'arme nucléaire appelée Satan 2. Bonjour. Oui, à salut du nucléaire nucléaire, on nous met la salut à mon bande de à donner un autre mot. Satan est venu balayer. Mais il est en train de dénoncer les œuvres de Satan dans l'Occident. Ça, c'est à lui pour pas que tu salais à Satan, ma pote. Ne voyez-vous pas que c'est un instrument dans les mains de Dieu? Comment il s'est fait à salut à l'Occident dans le monde pour le temps? Les jungles, regardez la prophétie. Et c'est un peu de la prophétie. Et c'est un peu de la prophétie. Et c'est un peu de la dont on ne pense rien du christianisme, hein, et ils peuvent prêcher la morale chrétienne. Et ces hommes, à cause de ce partout, on dit l'humanité n'a pas tout ce monde. Parce que maintenant, je vais même malade pour le public de notre Christ. Mon Jésus, nous sommes au temps de la fin. La fin de toutes vos approches. Soyez allons sages et sobres. Vous allez à la prière. C'est pourquoi, dit Frère Brennan, la Russie perd parfaitement d'instruments dans les mains de Dieu pour balayer tout cela maintenant. La Bible le dit certainement. Dieu utilise le communisme. Il l'utilisera. Et le communisme détruira les tout selon les Écritures. Et nous sommes en ce jour-là. Nous sommes en ce jour-là. Ce qui est en train de se passer là, c'est Dieu. Quand l'Amérique soutient Israël, intervient en Ukraine. Il y a à la tête de Volodymyr Zelensky, un juif par ses souches, par ses ancêtres, contre Vladimir Poutine, le roi du Nord, qui prétend défendre maintenant la morale chrétienne. Vous regardez comment Dieu vous le veut, c'est les choses vraiment. Pendant qu'il y a des églises protestantes qui sont en train d'autoriser les mariages homosexuels, maintenant, c'est ça passe toujours de l'Occident là-bas. Église protestante, va faire un mariage, mobile n'est mobile. Alors, Vladimir Poutine vient, dit, tout ça c'est satanique. Il mène ses actions pour détruire ça. Voilà. Vous prenez cette histoire, il dit que les Occidentaux n'ont pas de morale. Ils vont opposer les gens en Afrique là-bas pour pouvoir voler leurs minéraux. Ils n'ont pas de morale. Alors, je suis tenté de dire, Vladimir Poutine, que Dieu te bénisse. La guerre d'expansion. Ils interviennent en faveur des Juifs, Dieu est dedans. Quand la Russie veut freiner les folies de l'Occident, Dieu est dedans. Quand la Russie a levé la terre, quand le cœur du pharaon était endurci, qui était dedans? Tant Moïse réclamait la libération du peuple d'Israël, qui était dedans? Ma dénomination va vous saisir. Zambé sur Azawapi, les aigles voyaient. Notre Dieu est surnaturel. Zambé la bouche à l'aigle. Il est au debout du fil. Azalé la chute à la manche. Il est au debout du fil. Il est temps et les circonstances. Il donne l'accroissement aux nations. Puis il a fait périr. Il les amène loin de leurs limites. Il les ramènera encore dans leurs limites. Quand le territoire américain sera incendié, l'Amérique se sera d'être une superpuissance mondiale. Elle se contentera, comme réclame Donald Trump, de son territoire et des Américains d'abord. La politique de Trump, c'était ça. Les Américains d'abord. Les intérêts américains d'abord. C'est ainsi qu'il n'a pas voulu de guerre dehors là-bas. Et il a prêché, il a parlé contre l'establishment, le système établi. Et c'était pas son terme de campagne autrefois. Contre la dame Hillary Clinton. Mais les démocrates ont changé le jeu. Hillary Clinton a décliné. Hillary Clinton a quitté. Kamala Harris est montée. Kamala Harris a monté. Mais l'establishment continue à opérer. Et c'est en fait ça. Là, c'est là qu'il est là. Joe Biden, il est un danger pour la démocratie. Il est l'ennemi de la nation. L'opposition. Quand on fait l'opposition. Écoutez les termes. Il est un danger pour la démocratie. Parce que lui, il est censé être républicain et non pas démocrate. Joe Biden, il est un danger pour, contre la démocratie et il est l'ennemi de la nation. Voilà le maître à penser des opposants africains. Ils utilisent des termes extrêmes. Oh mon Dieu. Mais écoutez, Dieu va balayer tout ça. Et il va utiliser la Russie. Il est en train de le faire déjà. Pour freiner les folies de l'Occident. Et pour épargner tant soit fait ici. Hein? Vous savez que la Russie nous a proposé, nous aussi, pour notre problème de l'Est du pays. Elle a proposé d'intervenir, hein, pour mettre fin à ce cycle-là. Mais l'Occident est derrière ce qui se passe à l'Est, non? C'est pas un secret. Et là, c'est que l'autre, hein? Quand le secrétaire de l'ONU, je vous l'ai dit ici, va dire que le M23, et tout ça, vous pouvez croire vraiment qu'ils n'y sont pour rien. Le secrétaire d'État américain est venu ici dernièrement. Et quand il termine, il est allé à Kigali. Et là-bas, il va féliciter le gouvernement rwandais. Féliciter. Ce qu'il n'a pas fait ici. Oui, ça l'a quitté. Mes chers amis, Merci. Que Dieu nous aide. Hein? Et maintenant, les Rwandais, avec la stratégie de filtration, beaucoup d'entre eux, ils aiment les identités Luba. Ils vont donner des noms là. Ouais, nous sommes des télés. Voilà. L'Inde était venu là-bas, Matadi, en 1998. Là. Quand on lui a demandé son nom, le commandant des troupes du front ouest, là, qui était venu de Kitona, ils ont comparé des villages et des villes jusqu'à prendre Matadi. Il va au stade tenir un meeting, on lui demande quel est votre nom, comment dit Kabengele. Mais quand on veut demander les noms des tribus, il sait pas ça. Sortez de mon bureau. Sortez. Oh. Mais tu as donné un nom. On demande maintenant ta tribu, le clan, c'est où, votre souci, c'est où, il se fâche. Voilà ce qu'il faut. Que Dieu nous aide. Avec ça, le chemin est long. Maintenant, si on demande à notre pays de prendre position, va-t-il voter pour ou contre la Russie? C'est qu'alors, ce que la Russie fait, elle veut annexer un pays souverain indépendant, l'annexer à son contrôle, y mettre son administration. Si vous le faites aujourd'hui, demain, à l'ONU, on va vous rendre la pièce de votre monnaie. Il faudra aussi que vous acceptiez que votre pays soit annexé au Rwanda. La bongo soki de l'eau, bino na mbokao, bondimi, ete soko balobi, makabo, richesse, parce que j'aime pas la motomabe, Congo et l'obi, ete isali malamu, ah, le voilà balobi, ete malamu, ete richesse, aboto la mboko en Ukraine, abamba yango na ba ibulikari, nyo soan, ba askasan, nyo soan etika la yaye, bondi me pete, mkoro poko. Avec le rebondissement du droit international, les principes de la réciprocité, Quand vous défendez la violation de l'indépendance de notre pays, demain on va vous l'imposer. En prenant votre exemple. Or maintenant, nous on a peur. Si nous prenons position pour les Américains, Bali, c'est pas quoi les bisous au somme. Parce qu'ils ont quand même une antenne ici à côté, c'est l'Angola. Ils peuvent les utiliser facilement et nous écraser. Alors peut-être qu'il faut dire, tout le monde c'est Baya. Comme ça, Baya qu'on s'en a tout. Frère, c'est compliqué, frère. Ces choses-là, des fois, prions seulement. Prions Dieu que sa volonté soit faite. Ne cherchez pas à devenir expert en politique internationale. Par vous-même. Et vous faites des commentaires. Il faut ceci. Mon Dieu. Quand vous ne maîtrisez pas certaines choses, autant mieux c'était. Comprenez que Dieu contrôle. Cette guerre d'expansion. Les et les Américains. Ne permettra pas que les personnes atteignent toute l'humanité sans que l'Église soit d'abord enlevée. Mais ce qui est sûr, l'Amérique sera déclassée bientôt. Si on arrive à le faire, nous allons nous frotter les mains à l'est. Vous n'êtes pas d'accord? J'aimerais dire comme ça, non? Faut prier en Zambé. Comme ça, c'est moi qui mène à Est-Kuna. Vandevonabi, son confié belé, il y a des familles qui ont disparu de la carte. Tout le monde est mort. Que Dieu nous aide. Zambé à son abisson. Et qu'il vous bénisse ce matin. Amen. Qu'il vous donne sa sagesse. Soyez sobre pour vaquer la prière. Prions les souris du monde parce que la Russie, Dieu va l'utiliser pour tout balayer. Voilà. Nous voyons déjà le repas de la Russie. Si tu veux reprendre du terrain, même ici en Afrique, c'est devenu ouvert. Et comme il y a polémé, c'est le plus rigueur froid, c'est ouvert. Les amis, à cette polémé. Lève-nous pour la prière. Tout le monde pour la crois seulement, numéro 223, je m'empolerai. Un bon matin. Tout le monde pour la prière. Un bon matin, on s'est dit ici. Thank you. Chaque matin, la fin est tellement proche. L'enlèvement est très pressant. D'un jour à l'autre, les États-Unis d'Amérique seront incendiés. Tenons nos prêts pour le départ soudain et secret de l'Église. Ayons de l'huile dans la lampe. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Les sceaux du Dieu vivant. Quel que soit ce que vous faites, quoi qu'il vous arrive sur la terre, ayez le Saint-Esprit en vous. Soyons prêts à tout moment, à tout instant. Que sa lumière vous éclaire. Prions chacun. toi, rejette le pardon. Le Seigneur lave cette royalité. Ce qu'il connaît à ce qu'on y est allé sur l'homme. Tu te sentiras déchargé. Ce qui n'est qu'à peu peiner. N'est pas clair. Ce qui s'y paie. Pire non pas à tes yeux, mais à tes yeux. Ainsi, peut ton ami soit à eux. C'est ce qui est qu'au vivant de son œuvre, de son action. Ils allaient vous saluer à eux, vous vous appelez au lieu à Sali. Que tu ressentiras. L'impact sera réel. Ne fabrique rien de toi-même. Laisse Dieu faire. Car son œuvre à lui est bien faite. Dieu Tout-Puissant. Nous t'adorons au nom de Jésus-Christ. Et glorifions pour les multiples bienfaits. D'abord les souffles de vie que nous avons gratuitement, sans argent, sans rien payer. Souffle de vie que nous avons continuellement. C'est la preuve de tes bontés à notre vie. Ensuite la bonne santé qui a permis que nous soyons ici. Parce que toi Dieu tu veux que nous soyons bons. Merci pour la prédication de ce matin. La parole qui a servi de nourriture pour nos âmes est une réveil pour nos esprits. Réveil prophétique. Pour lire les événements à travers la parole écrite. Et voir la fidélité de Dieu qui a déterminé toi à l'avance et qui accomplit tout fidèlement. Père, sois notre secours. Pour que ces événements ne nous surpassent pas. Ne nous passent pas dessus la tête. Mais que nous comprenions clairement ce qu'il y a. Quand tu avais prophétisé par Daniel ton serviteur, que plusieurs seront épurés, blanchis, éprouvés. Aucun des méchants ne comprendra. Mais juste, les justes comprendront ce qui se passe. D'avoir de la compréhension dans cette complexité d'événements, nous savons que c'est ta grâce. Car tu nous as compté par une faveur non méritée, par une faveur juste, à qui tu as donné la foi. Merci pour ce privilège qui nous permet de t'invoquer pour nous approcher de ton trône par la foi et de formuler n'importe quelle demande par la foi. Convaincu que tu nous aimes, convaincu que tu agis encore, convaincu que tu délivres. C'est toi qui donnes l'accroissement aux nations. Et c'est toi qui les fais périr. C'est toi qui les étends au loin. Loin de leurs limites, leurs frontières. Et tu les ramèneras par là. Tu ramèneras l'Amérique dans ses limites. Tu ramèneras la Russie dans ses limites. Et tu défendras les limites d'Israël. Même quand les pays voisins ont volé mon territoire. Tu es fidèle. Père Tout-Puissant, c'est toi qui as déterminé les bornes de nos demeures, de ta parole. C'est toi qui as fixé le nombre de nos années de vie. Nous te sommes reconnaissants pour tous les bienfaits. Et nous savons que nul ne peut voler impunément devant toi. Voler ce que toi tu as donné à autrui. Tu es celui qui châtie. Laisse que ta justice s'accomplisse. Agir de ta façon, Seigneur. Toi qui changes les temps et les circonstances. Toi qui contrôles les guerres d'expansion. Laisse que chacun soit reconnu dans ses droits. Rétabli dans ses droits. Et cela pour longtemps. Nous prions pour notre pays qui est menacé dans ses frontières. Dont il partit même sous contrôle ailleurs. Qui peut nous redonner cette portion? À part toi, Dieu. Nos militaires sont limités. L'armée est infiltrée. Il y a beaucoup de traîtrise de l'œuvre humaine. Mais par-dessus les hommes, il y a la main immuable de Dieu sur laquelle nous comptons le vrai droit, la vraie justice, la vraie paix, la vraie joie que tu donnes. Aide-nous sur nous, Seigneur, et aide les croyants de ce pays à se tenir ferme d'un seul cœur, d'un commun accord. Tu es capable de provoquer l'unité de l'Église, non seulement ici au pays, mais aussi dans le monde entier. Façonne-nous à ton image et exauce nos prières au nom de Jésus-Christ. Nous prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Que la gloire revienne à notre Dieu.